Bon, je remercie Christian de nous avoir invités ce soir. Donc, je vais vous parler de mon passage alors que j'étais encore interne en psychiatrie dans un hôpital de jour qui pratique les thérapies comportementales et cognitives. Mais avant, je voulais préciser le contexte dans lequel évoluent les institutions psychiatriques en France. Alors, les services de psychiatrie sont, comme les services de médecine et de chirurgie, soumis à de profonds bouleversements liés à la transformation du fonctionnement de l'hôpital public sur le mode entrepreneurial. On observe l'arrivée donc à l'hôpital de nouvelles méthodes de management et d'organisation du travail. En psychiatrie, à mon sens, les changements les plus sensibles portent sur trois points. La promotion d'un objectivisme, forcément discutable. La mise en place ou le renforcement d'un discours normatif sur l'adaptation sociale. Et l'abandon des patients les plus en souffrance. L'objectivisme auquel je fais mention a pour rationalité annoncée la recherche de qualité et de sûreté, tout ça entre guillemets, et il se manifeste sous de multiples formes. Alors, je voulais surtout développer six points qui sont particulièrement sensibles dans la pratique quotidienne, dans les services. Premier point, on observe d'abord la mise en place dans les services de protocoles. Alors, les protocoles sont là pour décrire en détail la conduite à tenir des soignants dans une situation donnée. En vérité, les protocoles, c'est les équivalents des procédures dans les entreprises privées. Alors, ce sont entre guillemets des standards de qualité qui mettent en pratique les recommandations de la HAS. La HAS, c'est la Haute Autorité de Santé. Et c'est une instance qui se veut experte et qui édite des guides de bonne pratique. Donc, un protocole peut dicter la conduite à tenir dans n'importe quelle situation. Notamment, il y a des protocoles sur l'accueil des patients, sur les mises en contention ou en chambre d'isolement, sur la prescription de psychotropes, etc. Or, en psychiatrie, toute standardisation est extrêmement problématique. En effet, comment généraliser une attitude à adopter face à des situations qui recouvrent les réalités psychiques de patients, chaque fois singulières? Donc là où le raisonnement au cas par cas est la seule solution finalement raisonnable et rigoureuse, une bonne pratique, entre guillemets, s'impose. L'effet obtenu est la déresponsabilisation des soignants en cas de problème et surtout la disparition de l'élaboration psychique collective des pratiques. Deuxième point, des fichiers informatiques se mettent en place, recueillant de nombreuses données sur les patients, posant l'épineuse question du secret professionnel. Les soignants sont contraints de consacrer une grande partie de leur temps de travail quotidien à rentrer des données sur ces fichiers, tant qu'ils ne passent pas auprès des patients, qu'ils ne passent plus auprès des patients. Aussi, faute de soignants pour les animer, des activités thérapeutiques disparaissent, comme des ateliers d'art plastique, des groupes thérapeutiques avec ou sans médiation, des sorties, des séjours, des visites à domicile pour les patients les plus malades. Troisième point, un audit appelé accréditation est rendu obligatoire pour chaque établissement, à intervalles de temps réguliers, basé sur des critères censément objectifs, valorisant principalement, quand on regarde de près, l'application stricte des normes d'hygiène et de sécurité, l'application des différents protocoles, la tenue des dossiers et des fichiers informatiques. Proclamée gage de qualité, cette accréditation semble plutôt être la recherche d'un équilibre parfait entre exigences économiques de réduction des coûts et dégagement de la responsabilité de l'établissement en cas de plainte. Comme je l'ai expliqué plus haut, les protocoles rendus obligatoires par l'accréditation désagrègent parfois considérablement les pratiques de soins. Quatrième point qui est vraiment très important, le mode de financement des services de psychiatrie. Alors, dans chaque service, chaque patient doit être affublé d'un code diagnostique correspondant au DSM-4, qui est ensuite transmis au département d'informatique médicale, et on nous dit que c'est pour effectuer des statistiques. Alors, ça entraîne déjà plusieurs remarques. Donc, il faut savoir que l'utilisation du DSM-4 comme outil diagnostique n'a jamais fait consensus parmi les professionnels en psychiatrie. Qu'est-ce que c'est que le DSM ? Donc, le DSM, c'est un manuel de classification des troubles mentaux qui a été conçu dans ses différentes versions par les équipes de l'APA, donc l'Association américaine de psychiatrie. Il a d'abord été créé pour la recherche et il s'est imposé progressivement comme référence clinique unique. Une date importante, c'est 1980, la troisième révision du DSM, qui a constitué une révolution en mettant en place une classification purement descriptive par critères et par troubles. Donc l'enjeu du DSM-3 puis 4 et bientôt du DSM-5, est de promouvoir une psychiatrie dite scientifique, objective, dénuée d'hypothèses sur l'étiologie des maladies mentales et se proclamant athéorique. La scientificité d'élaboration du DSM-3 puis 4 est censée être assurée par les travaux de groupes d'experts. Pour ses partisans, le DSM-4 règle une fois pour toutes les problèmes du diagnostic en psychiatrie en offrant un langage commun à tous les praticiens. Alors pourtant, pareil, si on regarde de près, même avec le DSM-4, un même patient reçoit très souvent autant de diagnostics que d'interlocuteurs. Il faut savoir aussi que cette approche diagnostique est désormais la seule enseignée aux étudiants en médecine. Et en réalité, elle repose sur le postulat d'une possible objectivité complète dans la description des symptômes psychiatriques. Alors pourquoi dans les services on devrait donner un code DSM-4 à chaque patient ? En fait, le véritable enjeu de cet étiquetage des patients est l'évaluation dite objective de l'activité des services afin de déterminer leur financement dans le cadre de la maîtrise des coûts de l'assurance maladie. Donc, comment ça se passe le financement ? Dans les services de médecine et de chir, le financement il s'effectue par la tarification à l'activité, qui s'appelle la T2A en abrégé. De manière schématique, avec la T2A, sont prises en compte notamment les durées de séjour à l'hôpital, qu'il s'agit de réduire, et mis en place un raisonnement en termes d'actes qui détermine des actes rentables et d'autres peu rentables, des patients rentables et d'autres non. Les dérives de la T2A sont connues et dénoncées, les plus tangibles étant la sélection des patients, la segmentation des séjours hospitaliers et la dévalorisation des actes jugés peu rentables. Par exemple, ça peut impliquer de favoriser une opération chirurgicale grossière mais simple et rapide, donc rentable, sur une intervention certes plus efficace, mais plus complexe et donc moins rentable. En psychiatrie, on n'a pas la T2A. C'est autre chose, c'est remplacé par la VAP, la valorisation de l'activité psychiatrique, qui est en projet, en fait. Un de ces aspects consiste à évaluer l'activité des services psychiatriques en fonction de l'appréciation quantitative du nombre de patients de telle ou telle catégorie diagnostique, catégorie à laquelle est rattaché un coût. Alors, il est probable qu'avec ce raisonnement, les patients les plus malades, présentant de multiples rechutes, nécessitant des hospitalisations longues, ne seront pas les plus rentables. Et de toute façon, leur prise en charge est désormais de plus en plus confiée au secteur médico-social, dans une optique non plus de soins, mais de réadaptation, ce qu'on appelle la réhabilitation psychosociale. En attendant la VAP, le financement, pour l'instant, il est estimé en psy, dans les services de psy, grâce à la file active. Donc, ce qu'on appelle la file active, c'est le nombre total de patients ayant consulté au moins une fois dans l'année. Moi, je suis passée dans certains services où la recherche intensive de l'augmentation de la file active aboutit à une modification profonde du comportement des soignants dans le but de recevoir le plus de patients possible. Entretien écourté au maximum, résumé au renouvellement d'ordonnance, entretien espacé à l'extrême, prise en charge brève, et les patients chroniques, donc les plus malades, confiés aux internes, qui changent de stage tous les 6 mois. Voilà, cinquième point, la notion gestionnaire de répartition des tâches s'impose dans les services, délimitant et cloisonnant les rôles de chacun en fonction de leur statut. Infirmier, médecin, psychologue, éducateur, ASH, ça pose un problème particulier en psychiatrie, où la notion de relation entre patient et soignant est primordiale. Or, on ne choisit pas à qui un patient va parler, à qui il va faire confiance. Il est donc problématique, par exemple, que la fonction d'écoute soit réservée au psychologue. Par ailleurs, cette répartition des tâches, elle fait du médecin le prescripteur de tant de séances de psychothérapie, par exemple, ce qui repose sur l'idée qu'il serait possible d'anticiper sur le déroulement d'une psychothérapie. Sixième point, enfin, les moyens devant être mutualisés au sein de pôles, la mobilité des soignants est requise. Donc ils doivent être polyvalents, ils doivent partager leur temps entre différents services en fonction de la gestion des moyens des personnels disponibles et pas du tout, bien sûr, en fonction des relations qu'ils créent avec les patients qu'ils rencontrent. Voilà où on en est. Donc en psychiatrie, ces nouveautés, elles posent des questions. Enfin, ces nouveautés, ça fait un bout de temps, mais elles posent des questions particulièrement sensibles car la singularité, la relation soignant-soigné, la prise de décision un par un est au cœur de l'éthique de travail. L'objectivisme annoncé va donc à l'encontre de la subjectivité présente partout, du diagnostic, des décisions thérapeutiques. Face à ce paradoxe, certains services tentent d'anticiper la demande de rationalisation gestionnaire en pliant leur postulat théorique à l'objectivisme annoncé. D'autres décident de résister de manière plus ou moins active. Dans ce contexte, les thérapies cognitives et comportementales jouent un rôle particulier, car elles fournissent un support théorique qui s'harmonise parfaitement avec la demande gestionnaire et objectivante, en fait. Alors moi, je suis passée en stage pendant 6 mois, pendant mon internat, dans un hôpital de jour TCC, donc thérapie cognitive et comportementale. J'ai eu l'occasion d'effectuer plusieurs constatations en participant à la vie de cette institution. D'abord, j'ai constaté que les groupes thérapeutiques étaient formés par catégorie diagnostique, en fonction des jours de la semaine. Dans cet hôpital de jour, par exemple, le lundi était consacré aux troubles du comportement alimentaire de type anorexie-boulimie, le mardi aux troubles obsessionnels compulsifs, le mercredi aux troubles de la personnalité, le jeudi aux troubles du comportement alimentaire de type anorexie restrictive, et le vendredi aux patients inclassables, généralement considérés comme psychotiques. Alors ça aussi, ça entraîne déjà plusieurs remarques. Déjà, ça signifie que la valeur diagnostique du DSM-4 n'est absolument pas remise en cause, mais au contraire complètement légitimée. Ensuite, ça signifie que le soin n'est pas envisagé au un par un, mais catégorie diagnostique par catégorie diagnostique, comme s'il y avait une manière commune de soigner tous les patients dits atteints de TOC, par exemple. Par ailleurs, cela sous-entend que la fixation du diagnostic DSM est préalable à toute décision thérapeutique et se doit donc d'être indiscutable. Et de fait, chaque patient, à son arrivée, effectue la passation d'un bilan psychologique standardisé qui détermine à l'aide de scores et de critères son diagnostic DSM et ses schémas cognitifs pathologiques. Alors, il est intéressant de se pencher sur le cas du groupe dit du vendredi. Donc, c'est un groupe qui ne comportait pas d'étiquetage diagnostique. J'ai posé la question à mes collègues et on m'a expliqué qu'en fait, ce groupe du vendredi, il rassemblait les patients qui ne répondaient pas tout à fait à la thérapie cognitive et comportementale. Ils étaient pour la plupart des patients psychotiques. Alors j'ai demandé à mes collègues s'il n'y avait pas de patients psychotiques accueillis les autres jours de la semaine, ils m'ont répondu que non. Il leur semblait donc acceptable de travailler dans un hôpital de jour où les patients les plus malades n'étaient reçus qu'un seul jour de la semaine. Alors j'ai compris par la suite qu'en fait ce groupe du vendredi, c'était un vestige de l'ancien hôpital de jour avant l'arrivée des TCC dans ce service. En fait, avant l'arrivée des TCC, c'était un hôpital de jour classique qui accueillait tous les jours des patients en grande difficulté, pour la plupart psychotiques, et qui proposait une prise en charge basée sur la psychanalyse et l'ergothérapie. Après l'arrivée des TCC, il y avait une réorganisation et ces patients avaient vu leur accueil se réduire à une seule journée par semaine, journée qui continuait à fonctionner sur l'ancien mode. Les 4 autres jours de la semaine furent donc réservés à l'accueil des autres patients, ceux qui étaient censés répondre pleinement à la TCC. En conclusion, les anciens patients les plus malades furent donc relégués au vendredi. Alors qu'est-ce que ça veut dire répondre au TCC ? Il s'agit de bien comprendre le postulat de base de cette thérapie. La notion d'apprentissage de comportement appris est centrale. Alors l'idée est celle-ci. Le patient, par méconnaissance ou par erreur, applique des schémas cognitifs erronés, pathologiques, qu'il a appris au cours de son développement et qui se manifestent par des comportements délétères dans des situations données. Le soignant, détenteur du savoir sur le normal et le pathologique, est là pour apprendre au patient à corriger son symptôme. Il lui apprend à reconnaître son schéma cognitif et lui enseigne qu'il existe d'autres schémas cognitifs. Il le désensibilise de son comportement pathologique, et il le conditionne à appliquer un autre schéma cognitif et donc un autre comportement, celui-là jugé sain, normal et adapté à la vie en société. Le rôle du soignant est donc pédagogique, analytique et interventionniste. Le savoir est tout entier de son côté. Les différents schémas cognitifs pathologiques sont enseignés aux patients à l'aide d'ouvrages que chaque patient doit se procurer et lire à son domicile. Il s'agit par exemple de « Comment ne pas se gâcher la vie » de Stéphanie Ahusseau. Ainsi, ouais quand même, ou « Comment bien vivre avec ses TOC » aussi, voilà. Ainsi est créé donc un lectorat pour tout ce type d'ouvrage. Quoi. Alors après, le patient est sommé de reconnaître et de nommer son schéma cognitif activé. Et il faut savoir que la nomination objective est de manière générale une notion très importante en TCC. Les pensées pathologiques qui sont activées par le schéma sont appelées pensées dysfonctionnelles. Il faut les reconnaître. Les émotions, les désirs, les sentiments doivent également être précisément nommés à l'aide de listes préétablies. Par exemple, il y a une liste de 6 émotions. De même, le niveau de bonheur ou le niveau de souffrance peut être établi à l'aide de critères et de scores. La phase suivante est analytique. Il s'agit d'analyser une situation problématique pour un patient à l'aide de ce qu'on appelle une grille CK, ce qui signifie situation, émotion, cognition, comportement, anticipation. Donc en pratique, le patient va au tableau devant les autres soignants et les patients. Et il va écrire cette analyse objective d'une situation problématique. Voilà, le public commente, le soignant peut lui faire remarquer s'il se trompe dans la nomination d'une émotion, par exemple. Ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que cette phase d'analyse, elle suppose une vérité objective derrière toute situation angoissante. Elle ne prend aucunement en compte, évidemment, l'inconscient, la subjectivité du patient, les caractéristiques de la relation soignant-soigné ou du groupe en présence, quoi. L'étape suivante, c'est la thérapie comportementale à proprement parler, qui prend les noms de déconditionnement, reconditionnement, de désensibilisation, d'immersion. En fait, la thérapie comportementale, ça s'attaque à un symptôme. Par exemple, la phobie des transports en commun. La technique d'immersion, c'est simple. Ça consiste à pousser le patient à emprunter des transports en commun progressivement, d'abord une station, puis deux, puis trois, etc., tout en identifiant les pensées dysfonctionnelles qui apparaissent à ce moment-là chez lui, afin de pouvoir les neutraliser en les mettant de côté, tout simplement en les identifiant comme pensées dysfonctionnelles, donc non valides. Alors c'est là que réside un point crucial, à mon sens, de l'articulation des TCC avec la rationalité néolibérale. En effet, les TCC sont donc des techniques qui poussent à la lutte contre la pensée, à une lutte consciente pour éteindre ou mettre de côté, à invalider tout conflit psychique. Alors ça s'illustre notamment dans l'emploi fréquent, permanent, même dans cet hôpital de jour, de la technique dite de la pensée positive et de la notion d'acceptation. La technique de la pensée positive, elle est enseignée aux patients dans les groupes thérapeutiques. Elle consiste en fait à reformuler toute situation angoissante ou triste de manière positive et gaie. Il s'agit de se focaliser sur le bon côté des choses. Quant à la notion d'acceptation, c'est donc une notion qu'il faut bien distinguer pour les thérapeutes TCC de la résignation, c'est pas la même chose. L'idée, c'est de travailler sur soi pour accepter les difficultés dans lesquelles on se trouve. En parallèle de tout ça, des discours normatifs se déploient dans les groupes de psychoéducation ou de réhabilitation psychosociale. Il s'agit d'apprendre à formuler une critique constructive, à supporter un conflit professionnel ou un reproche de son patron, etc. Au total, les TCC se rapprochent d'une méthode pédagogique qui vise à apprendre aux individus à devenir « normaux », entre guillemets, c'est-à-dire adaptés aux exigences normatives du moment. Voilà. Alors dans la pratique, c'est intéressant d'être attentif à la façon dont les patients sont traités. Je précise bien que la qualité humaine des soignants n'est pas remise en cause, c'est pas du tout là que se situe le problème. Le point sensible, à mon sens, c'est la non-prise en compte de la relation spécifique qui s'établit entre soigné et soignant, c'est-à-dire ce qu'on appelle ailleurs les phénomènes inconscients, le transfert. Non-prise en compte qui se traduit notamment par la négligence du vécu des patients dans les remaniements organisationnels du service. Alors, par exemple, moi j'avais été témoin de ça, les soignants avaient décidé de la mise en place de modules de psychoéducation qui avaient nécessité une modification profonde de tous les groupes thérapeutiques. Il avait fallu modifier les horaires, les jours de la semaine, il avait fallu modifier les soignants qui venaient à ces groupes. Donc certains des patients n'avaient pas du tout pu supporter ces changements, ils avaient dû quitter les groupes, même l'hôpital de jour. Ça souligne bien le fait qu'il était exigé des patients à la fois une capacité importante d'adaptation tant à la vie en société que à la vie dans cette institution. Notamment, il leur était explicitement demandé d'adhérer aux méthodes des TCC et à la technique de la pensée positive. En conséquence, s'ils n'avaient pas évolué sur le plan symptomatique au bout de quelques mois, ils étaient taxés de mauvaise volonté, jugés inadaptés ou inaptes au TCC et exclus de l'hôpital de jour. Autrement dit, les patients les plus malades étaient renvoyés. Pour conclure, je préciserai quand même que j'ai rencontré dans cet hôpital de jour des soignants qui, voilà, qualité humaine, à l'engagement professionnel, parfois politique indéniable. Pour autant, le fonctionnement de cet établissement aboutissait à la relégation des patients les plus malades ou à leur exclusion pure et simple, relégation au sein du groupe du vendredi. Pour les patients moins malades, je n'ai pas constaté de réelle différence en termes d'efficacité thérapeutique entre cet hôpital de jour TCC et d'autres établissements recevant le même type de patients. En revanche, le discours sur l'adaptation sociale et l'acceptation des normes m'a semblé présent à un degré bien plus élevé. Il me semble donc que dans cet établissement TCC, comme dans ceux qui anticipent le nouveau management hospitalier, se retrouve donc une illusion d'objectivité, un discours normatif très fort sur l'adaptation sociale et un abandon des patients les plus malades. Voilà, je vous remercie.